mardi 3 février. La Pomme, le podcast. Les dernières nouvelles avant la sortie imminente de l'Apple Watch. Un retour sur les chiffres records de Apple et le plein de mises à jour pour vos appareils. Bonjour, bienvenue au podcast La Pomme, ou plutôt La Pomme le podcast, comme on l'appelle ici. Mon nom est Alexis Cornelier. Diffusé aux deux semaines, les mardis soirs dès 20h, les animateurs du podcast La Pomme, Jean-François, Jean-Michel et moi-même, partageons nos découvertes. On vous livre notre vision de l'actualité Apple, et on peut même régler vos problèmes informatiques en direct. Encore faut-il nous soumettre vos questions. À l'occasion, des invités viennent nous faire connaître leur initiative pommesque. J'aime beaucoup ce mot-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, par exemple. Ouais, ben j'ai regardé cette semaine pour essayer d'en trouver un, mais personne qui fait de quoi. Sans plus tarder, voici mes deux co-animateurs pour aujourd'hui. Je suis désolé pour le pic de son. Il revient de voyage aux États-Unis, le seul pays sur la map, selon... Il voulait... sache qui était Tesla et ça a aussi été financé, mais pas au même ordre. J'ai pas de coup de dose cette semaine, donc je vais faire un deuxième coup d'os et mon deuxième coup d'os va aller à JP. Hein? Deux secondes. On va attendre un instant. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui sort sur YouTube. OK. Ça fonctionne. Ben, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On n'a pas notre gars de son à soir, fait que non, ça va bien, bien mal. Donc, c'est ça. On va s'occuper des podcasts, du volet podcast, et on va inviter plein de gens. Ce qu'on aimerait faire, c'est sur deux jours avoir une programmation d'une quinzaine de podcasts différents qui diffuseraient à chaque heure. Voilà. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à réagir sur Twitter en utilisant le mot-clic La Pomme. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires ou de répondre à vos questions et de vous donner plus d'informations sur les sujets abordés durant l'émission. La Pomme, hashtag L-A-P-O-M-M-E. J'aimerais remercier... Hashtag L-A-P-O-M. Ah oui? Je veux juste dire bonjour à Mathieu Petit et à Aitchuk qui sont en train de nous écouter en direct. Salut les gars, ben oui, bonne idée. Aussi, les deux irréductibles qui savent pas que Radio Talmo joue. En même temps. Oh non, on vient de les perdre. Les deux gars chez eux. Ah oui, c'est vrai, Talbot, il est deux, trois jours semaine à cette heure. Fuck it, ils vont le mettre sur Internet. Alors on remercie nos zéros. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes, dans le magasin de podcasts canadiens, français ou belges, où Jean-Michel s'en occupe personnellement des commentaires. Je vais arrêter de vous parler de ma carte de crédit américaine, je vais commencer à vous parler de ma carte de crédit belge que je me suis fait venir. Excellent. On va à une pause et on revient dans quelques secondes avec les nouvelles. La Pomme, le podcast, vous revient dans un moment. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. De retour à La Pomme, le podcast. Est-ce qu'on l'avait dit qu'on a créé un fil audio? Non, ça devait pas être dans le document, donc on l'a pas dit. Non, effectivement. Moi, je lis le document, puis... Okay. Alors, maintenant, minimum possible pour ceux qui nous écoutent en voiture ou sur un appareil qui serait pas compatible avec YouTube, ou peu importe. Ou qui veut pas prendre beaucoup de data. Exactement, ou qui voudrait nous écouter sans délai de 1 minute 30, vous pouvez vous rendre au diffusion.lapomme.me, D-I-F-F-U-S-I-O-M. .lapom.me pour nous écouter en audio seulement. Ouais, Jean-Michel nous a monté ça en une soirée puis en 25 minutes hier soir. Ça marche même avec les téléphones Android. C'est ça. Ouais. Hein? La montre va arriver bientôt. Non, il n'y a pas de transition. C'est non, non, nouvelle, c'est une nouvelle. On comprend. Ça me fait penser, j'ai écouté 19.2, une version que j'ai téléchargée hier, parce que apparemment l'application Tout.tv, ça pourrait être mon coup de dos, ça, l'application Tout.tv, qui permet plus de faire du AirPlay sur Apple TV. T'es comme un peu en retard, par exemple. Ouais, un peu, c'est ça. Moi non plus, comment ça qu'elle elle permet plus, même si... Ben, je sais pas, non, il n'y a rien à faire. Là, elle fonctionne pas. Non, ça fait juste comme lire sur... C'est peut-être un problème dans la mise à jour. Je doute que ça soit voulu, mais en tout cas, c'est comme un demi-coup de dose, parce que pour faire un parallèle avec le pas de transition que t'avais, mais la version de 19.2 que j'ai téléchargée, ils ont enlevé les annonces, puis ils ont enlevé comme la petite transition 19.2 avant les annonces. Fait que ouais. Ça faisait vraiment le 40 minutes, pas de transition, rien. Fait qu'il fallait que tu comprennes que, whoop, là, il y avait une annonce. Il n'y avait pas juste coupé. Oh boy, pour, OK. C'est ça, ouais. OK, c'est non-stop, là. OK, ouais. T'as vraiment non-stop, pis là, il y a quelque chose qui se passe, pis à un moment donné, d'autres choses qui recommencent. Fait que là, les pirateurs d'émissions de TV, là, up your game. Ouais, laissez les petites title cards avant les annonces, s'il vous plaît. Faites une job qui a de l'allure. La montre sortira dans quelques semaines. Avez-vous l'intention d'en acheter une, messieurs? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, oui. Simplement pour aller flasher à TVA puis la montrer à LCN. Mais. Il y a tout pour regretter le tout. Oui, avec le 4 heures, après, avec là, le 4 heures de batterie qu'il va y avoir dedans à utilisation. Surtout quand intensive. Tu vas recevoir ton compte de carte de crédit. Effectivement. Que le délai de 28 jours sans intérêt va être passé. Ouais, peut-être je vais laisser faire. Peut-être m'en fabriquer une en carton. Bref, il y en a une qui est la Gold, la Special Edition, si je... Il y a trois modèles, premièrement. Ouais. Faut dire qu'il y a trois modèles. Il y a le modèle... Apple Watch Sport et Apple Watch Edition. Édition Gold, là. Édition, Apple Watch édition. Okay. Donc, la Apple Watch édition et la normale auront un écran de saphir. La Sport n'aura pas d'écran de saphir. Elle va être équipée d'un bracelet différent, puis elle va pouvoir... Je pense qu'ils ont tous l'écran de saphir. C'est juste le fini là, sur le contour. Qui est ionisé. Ouais. C'est ça, il est ionisé sur l'édition Sport, tandis que dans l'édition régulière, c'est lustré. Il est en métal. C'est juste en métal. Faut dire aussi qu'il va avoir deux grandeurs d'écran. Mm-hmm. Donc, enfant et adulte. Petit et grand. Petit et grand, mm-hmm. Ouais. Pas enfant, là. Faites pas ça. Moi, je n'achèterais pas une montre à 400$ à mon enfant pour l'amener. Va à l'école avec. Non, va te la faire mugger. On voit, c'est ça, exactement. On sait le taux de taxage qu'il y a dans les écoles. Fait que... De toute façon, tant qu'en faire taxer une, autant acheter le modèle édition de 18 carats. Et Apple qui se lance sur un nouveau marché, en fait, qui est celui de l'objet de luxe. Avant, ils vendaient des ordinateurs haut de gamme. Là, avec la montre 18 carats, on parle d'objet de luxe. C'est un peu comme quand on rentre chez Cartier ou des trucs comme Burks. Mm-hmm. À ce moment-là, ben il y a de la protection pour ces objets-là. Donc, Apple est en train de faire installer des coffres-forts dans les magasins. Pour recevoir en fait les montres qui vont être connectées à un connecteur MagSafe, on le sait, ça va être par aimantation. De toute façon, en fait, c'est pas vraiment eux autres qui l'ont inventé. La Pebbles, c'est un émule de MagSafe, si on veut. Ouais, c'est magnétique. Connecteur aimanté. C'est magnétique, mais c'est tellement pas solide. Là. Tu fais juste vraiment. Tu souffles dessus puis ça se déconnecte. Ah ouais, oh, mon Dieu. C'est vraiment pas. Apparemment, celui-là de la Pebble Steel a été comme revu puis est beaucoup plus solide que celui de la Pebble, mais celle-là, c'est vraiment juste pour dire que tu sens que ça colle, mais il n'y a aucune résistance. Okay. Ouais, une fois que c'est fait, ta dépose, ta déplace, si t'as le malheur de l'accrocher pendant la nuit en bougeant, elle va se débrancher. Ah, ouais, okay. Ah, peut-être qu'ils vont corriger ça avec la nouvelle version que supposément vont sortir cette année. Ben, c'est déjà corrigé dans la Pebble Steel. La nouvelle Pebble là, qu'ils veulent. Mm-hmm. Ah, ils veulent la refaire? Oui, ben, pour concurrencer la Apple Watch. Là. Mais c'est ça. Mais là, le problème, c'est que la 18 carats, c'est plaqué or. Oui. On sait toujours. C'est plaqué ou c'est or? Ben je pense que ça va être en or, 18 carats. Oui, oui. OK, fait que c'est. Parce que plaqué à 2000$. Un once, c'est 1200$, on s'entend, là? Ben, c'est ça. Ça va avec le prix. Là. Fait que. OK, fait que là, c'est ça. Fait qu'on on calcule une montre de 2000$ pour utilisation de 4 heures par jour. Probablement. C'est ça. Est-ce que fucky qui va acheter ça? C'est une montre, là. C'est... Une montre à 2000$, c'est du milieu de gamme, là, j'ai l'impression. C'est du bas de gamme, de haut de gamme. Je sais pas si tu comprends. Là. Ouais, non, mais je sais, mais parce que tu payes une montre 2000$, OK, mettons, grosso modo, là, puis elle va durer 4 heures. Non, elle dure pas 4 heures. Elle dure 4 la heures journée. En utilisation. Ouais. old. Ça, ça veut dire tu joues à des jeux, tu passes ton temps à gosser dessus. Tu reçois 23 000 notifications. Ouais, c'est ça. Donc, n'importe qui va passer le 4 heures en 4 heures. C'est ça. Mais... ça revient cher de la montre. Oui. Pour ce que ça offre. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la montre qui se veut un compagnon va permettre à Apple de continuer à offrir des téléphones plus grands. C'est-à-dire que, tu sais, vu que tes notifications sont déplacées sur ton poignet, ouais, t'as moins besoin d'aller chercher ton téléphone dans tes poches. Mais est-ce que, ou ailleurs dans ton veston. Est-ce donc, que tu vas continuer quand même à recevoir tes notifications sur ton téléphone en même temps que tu le reçois sur ta montre, si elle connecté? J'imagine qu'il y a une option qui va dire fais-le juste sur la montre ou fais-le sur mon téléphone, parce que il y a une application compagnon un peu, ouais, comme c'est ça, j'ai pas installé encore 8.2 là-dessus là, fait que je peux pas jouer vraiment dans l'application compagnon de l'Apple Watch, parce que la nouvelle version qui est sortie cette semaine, il est dedans, il est dedans obligatoirement. Ouais, ouais, tu peux aller jouer ouais, c'est ça, t'as les menus toutes, mais sauf que là je l'ai pas installé, j'ai pas été jouer dedans. OK, mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de choses encore qu'on sait pas, parce que tu sais, je veux dire, tu sais, c'est quoi, ils vont nous, comme je vous demandais tantôt, ils vont nous présenter ça, ils vont nous sortir un press release, là, et puis ils vont mettre ça en vente sur le store, puis même pas... Ils vont quand même faire une pré-vente. Ils vont peut-être faire une petite... tu sais, une présentation. Pas une pré-vente, ils vont faire une petite présentation, là, mais ils vont dire, bon, en vente à partir de telle date, telle heure. Puis il y aura pas de file d'attente là, pour non, ça. Non, on n'est pas tout à fait sûr encore si ça va être au mois de mars ou avril. Tim Cook aurait confirmé que c'est avril, mais je pense qu'il a fait ça cette semaine. La semaine passée, plus, on disait mars. On a vu que 8.2 il serait cédulé pour mars. Pour mars aussi. Fait que... La montre aux États-Unis coûterait 349 $, donc rendu au mois d'avril autour de 500 ici, mm-hmm, avec la chute du dollar. En rouble, ça fait à peu près 8 milliards. Probablement. Voilà, c'est ça. Donc, avec 8.2, il y avait l'application de test. Est-ce que vous avez vu des images de ça, à part l'icône qui est sortie? On a vu, j'ai vu une image, là, tu sais, t'as Bluetooth, t'as notification, t'as message. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'indice. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'indice. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le monde pour l'engouement de ce produit-là. Parce que moi, je veux dire, même s'il y aurait un line-up, qu'on ferait un line-up, je ne l'achèterais pas, là, 350 $. Là, mais... Ben, il y a du monde pour tout. Hein. Moi, je reviens de croisière. Il y a du monde aussi qui sont là pour... ben, pas pour flasher, mais tu sais, qui sont là pour la consommation, la surconsommation. Là. Mais non, mais tu sais, je reviens de croisière. Là. Moi, je vais en croisière pour aller en vacances, pour relaxer, ouais, mais à bord du bateau, il y a des conférences à chaque jour là, de deux monsieur et une madame là, okay, qui sont payés là, par des compagnies là, pour nous vanter le mérite d'acheter des diamants, de la tanzanite, puis des émeraudes dans les îles Vierges parce qu'il n'y a pas de taxes, puis il n'y a pas de droit de douane. Bon, puis là, ils nous vantent là, les mérites de telle marque de collier en tanzanite en disant que c'est la pierre d'une génération, que ça a été découvert, exploité, ça va être extinct dans une génération. Puis là, c'est une occasion qu'il faut pas manquer. Hein. Puis, il y a du monde qui va en croisière, là, spécifiquement dans le but d'aller s'acheter des diamants pour pas payer de taxes. Là. Donc, moi, je dis... Ouais, mais faut que t'aies des clans quand tu reviens ça. Ouais, c'est, mais peu importe. Là, tu sais, il y a du monde, qui vont là pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont acheter la Apple Watch. Il y a du monde qui ont hâte d'acheter la Apple Watch. Surtout pour la Apple Watch édition là, qui va être en ordre, j'imagine que c'est ce même genre de personnes-là là, qui vont en croisière pour participer à des encans de tableau puis participer à des conférences sur l'achat de montres ou bien choisir son collier en diamant. Mm-hmm. C'est juste pas, on est juste pas le public cible pour ce produit-là. Non, c'est ça. Pour moi, toi, est-ce que tu penses le public cible ou c'est juste pour, comme tu disais, pour aller montrer à TVA? Moi, je pense que la montre va faire ce que la Pebbles fait actuellement, parce que c'est quand même... tu sais, tout le monde en a sorti. Là, Samsung en a sorti, LG en a sorti. Ils ont sorti des rentes, des rondes, ils ont sorti tout ça. Et encore aujourd'hui, la plupart des sites te disent que la meilleure montre intelligente ou connectée, disons, c'est la Pebbles. D'abord à cause de son prix. Elle est là depuis plus longtemps. Les logiciels ont été améliorés et améliorés. Puis, eux autres, ils veulent se faire connaître par la plateforme qu'ils ont montée. Donc, ils sortent pas de... Tu sais, ils sortent un nouveau modèle. Bon, tu vas t'acheter une Steel ou quelque chose comme ça qui va moins avoir l'air d'un jouet, peut-être, mais elle est quand même efficace. Moi, j'ai des petits problèmes avec la mienne. Je reçois des fois des bursts de notifications. Là, elle sonne pendant comme 4 minutes. Là, elle fait gzzzzz, puis elle reçoit comme toutes les SMS des derniers 2 jours, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est un produit qui fonctionne pas si bien que ça, mais correctement pour la job que ça a à faire. Là, c'est un petit peu navrant de voir que la durée de vie de la batterie va faire 4 heures, va faire une journée. Apple avait pas annoncé de durée de vie de batterie justement parce qu'on savait qu'ils voulaient optimiser. Et malheureusement, ils ont pas réussi à optimiser plus qu'il faut. Donc, tu sais, les limites sont technologiques aussi. Il peut pas avoir de batterie encore, de technologie de batterie qui vont lui permettre de faire une semaine, un mois, une année. Là, moi, j'aurais mis un capteur solaire là-dedans qu'elle se recharge tout le temps. Oui, il aurait fallu que tu aies une montre qui fasse tout ton bras. Non, mais c'est sûr qu'ils sont capables de faire. Non, mais c'est pas une calculatrice, ça, quand même. C'est une calculatrice, c'est un petit carré encore gros de même. Je donne un exemple comme ça, là. Tu veux dire, mais quand même, tu sais. Mais c'est un peu comme le. Tant qu'à moi, c'est un peu comme le premier iPad, tu sais. Fait qu'ils sortent, ils voient l'engouement. Puis ils vont en vendre une batch. Là, tout le monde va avoir une Apple Watch. Puis d'après moi, T'sais, l'année prochaine, ils vont peut-être en sortir une autre après. Puis après ça, ils pourront plus vraiment comme. Vont-tu tirer dans le pied, tu penses, avec ça? Non. Parce ils ne tireront pas dans le pied parce que, bon, c'est un projet à l'interne qu'ils ont développé. Ça leur a coûté, bon, des bagatelles là, par rapport à ce qu'ils font. Mais là, il va encore. Tu sais, s'ils n'en vendent pas autant qu'ils pensaient, il va encore avoir comme une pléiade de journalistes qui vont dire que Apple va mourir d'ici un an. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Là. On va en parler un peu plus tard. Non, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec la montre là, pour l'instant les développeurs se font demander d'avoir leur application prête pour février. Non, on sait pas pourquoi. Donc pour pouvoir probablement la tester, vérifier, avoir des applications de base au lancement, probablement qu'Apple veut faire un gros lancement puis avoir pouvoir aller regarder un peu qu'est-ce qui s'est fait et aller chercher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le gestionnaire de tâches Todoist, donc T-O-D-O-I-S-T. C'est un gestionnaire de tâches assez intéressant, assez complet, qui existe autant sur iOS que sur le Mac. Donc, il y a une synchronisation qui se fait entre les deux. Et il y a de la gamification là-dedans. Donc, tu sais, ça tient en fait là, des espèces de statistiques pour essayer de te motiver. Ça permet de faire des tâches et des projets pour plusieurs. D'ailleurs, on va peut-être regarder pour utiliser ça pour nos différents projets. Ça peut être intéressant. Et eux, le concept de leur application pour la montre est déjà sortie. Donc, vous pouvez aller voir ça là, c'est iGen qui parlait de ça le 3 février, donc aujourd'hui, si je me trompe pas. On va en parler plus tard dans les prochaines semaines de la montre, mais qu'on puisse jeter un coup d'œil dessus, ouais. C'est sûr. Mais que tu la testes, parce que sinon, on achètera une, puis on la retournera 14 jours. Oh, on ira juste s'installer au Apple Store. Ouais, on achètera une, puis on la retournera. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Le dernier vice-président retail de l'ère Ron Johnson, Bob Bridger, prend sa retraite. Mais qui est ce bonhomme? Ron Johnson, c'est le gars qui est rentré chez Apple et qui en fait qui a, si on veut, révolutionné. Le marché de détail en créant les Apple Store et la manière dont les Apple Store allaient fonctionner. Donc, ce service à la clientèle qui est mis de l'avant avec les Genius, qui te font attendre un petit 5 minutes devant les étalages de beaux produits que tu veux acheter. Tout le concept du comment ça s'appelle, le one-to-one à $99 par année, qui fait que si tu l'exploites au maximum, tu vas te retrouver au moins une fois par semaine dans un Apple Store. Donc, pourquoi rentrer dans un Best Buy, aller chercher quelque chose quand, à la fin de la semaine, je vais être dans le Apple Store? J'ai été la fin de semaine passée au Apple Store à Laval. Au Carrefour Laval. Ah, le premier. Parce que c'était moins... Oui, c'est ça. Parce que c'était moins long d'aller sur Sainte-Catherine. Non, c'est ça. Parce que mon beau-frère voulait pas aller sur Sainte-Catherine à cause du trafic pis tout, là. Il y avait du monde. Ah, il y a tout le temps du monde dans ces magasins. Ça n'a pas de bon sens. C'est effrayant, le monde. Là. Tu vois, puis ils ont agrandi, en plus. Ils ont doublé la superficie locale. Ça attend dans... Tu sais, quand tu rentres, là, J'ai pas été depuis qu'ils ont agrandi. Ah, OK. Il y a une allée centrale, puis là, t'as une personne qui est là, puis c'est elle qui prend... OK, t'as un rendez-vous, ton nom, par exemple. Là, va t'asseoir dans le fond, tu sais. Puis attends. Puis il y avait un line-up, là... C'était à peu près au milieu du magasin, jusqu'à l'entrée de la porte, il y a du monde qui attendait. Ah, c'est long, 10-30, c'est terrible. Ça m'a pris là au moins 20 minutes avant de me faire répondre pour acheter mon Mac. Une chance que je savais ce que je voulais, sinon ça aurait été une aventure de comme 3 heures à aller acheter un Mac. Là. Bon, fait que c'est presque aussi long à voir de l'eau, ça arrive sud, que d'acheter un Mac. C'est par rapport à le problème d'eau que vous avez. Ce que je voulais... celui sur Sainte-Catherine, ça fait une couple d'années, je pense qu'ils veulent agrandir. Sur un côté, ils peuvent pas parce que c'est Old Trentrew. Ouais, c'est un magasin. Puis l'autre, c'est De l'autre côté, avoir l'attitude du gars qui a pas voulu nous donner une rallonge. Ils vont payer s'ils veulent son local, j'ai l'impression. D'après moi, ils ont offert une petite fortune là pour son truc de cigare puis tout ça. Ouais, parce là, qu'on s'est entendu que celui sur Sainte-Catherine, il est vraiment dû, là. Parce que. Il y a quand même 2 étages. Ouais, mais il y a quand même 2 étages. Mais si c'est plein matin jusqu'au soir, là. Mm-hmm. T'arrives là à 9h, tu sors. On en prendrait juste un autre. Il serait mieux à en ouvrir un autre qu'à. D'après moi, c'est ça qu'il devrait faire. N'ouvrir carrément un autre. Fermer celui-là. Non, en ouvrir un deuxième. Parce que sinon, tu vas juste déplacer. À New York, il y en a 5. À Toronto, il y en a 2-3 dans le centre-ville. T'en ouvres un autre, tu déplaces un peu, puis si tu le mets vers l'est... T'en ouvres un autre dans le coin de l'UQAM, dans ces coins-là, sur Saint-Denis ou les affaires-là. Fermé à coop, t'es gentil. Il n'y avait pas un CompuSmart avant au centre-ville? Oui. Bon, ça a fermé, ça a passé inaperçu. Non, c'était celui au Square Phillips. Sur Square Phillips. Puis il y a un Microbytes juste à côté, maintenant. Il y a un Microbytes sur... CompuSmart, c'est le fun, ce magasin. Ben oui. Juste à côté de la librairie. Il y en avait un à côté du Pizza Hut sur Tachereau. OK. Ou l'affaire de. Moi, je viens de la rive sud, OK? Pas Cédérum Dépôt, là. Mais tu sais ce qu'on avait dans le temps, ce qui était à la place Versailles, là, à côté du Zelleuse, là. Ça fait longtemps, là. C'était quoi, donc? Ah, je me souviens plus. C'était un magasin de CD. Ils vendaient juste des CD de jeux. Il y avait Cédérum Dépôt. C'est là. Ça, OK? Oui, d'après. Ben, je sais pas si c'est celui-là qu'il y avait là. D'ailleurs, il y avait dans les centres d'achat aussi CompuCentre. CompuCenter. Ah. OK. Mais chez Cédérum Dépôt, c'est là que Denis a trouvé Claude Arsène. Non, mais c'est ça, exactement. C'est lui qui était aussi. C'est ça, là qui est à place Versailles, tu sais. Dans un deuxième temps, on va y aller avec notre deuxième nouvelle. ARM, qui aujourd'hui a annoncé la prochaine génération de processeurs dont seront équipés nos prochains téléphones. Une déclinaison, évidemment. Là, Apple achète la plateforme ARM et la modifie avec ses ingénieurs à l'interne. Donc, c'est le ARM A72 qui est, selon les dires de ARM, parce qu'il y a personne, évidemment, qui a mis la main sur ce processeur-là encore. Le A72 serait 2 fois plus puissant et utilise 2 fois moins d'énergie que le processeur actuel. L'article a été trouvé sur un 9to5Mac. Il est, si je ne me trompe pas, gravé en 14 mm ou 14... pas millimètres, c'est ben trop gros. 14 nanomètres. 16 nanomètres. Et il y a 75% d'amélioration en économie d'énergie, ce qui est à peu près 3 fois plus performant que le Cortex A15. Mais le Cortex A15, je sais pas dans quoi il a été utilisé. C'est un vieux. Ça serait le fun, par exemple, à 14 mm, ça ferait la grosseur de la table, à peu près, au final. Ouais, avec le nombre de transistors qu'il y a dedans. Ouais. C'est probablement TSMC qui va développer. Non, les rapports suggèrent que c'est Samsung qui va faire en 14 nanomètres le prochain processeur de Apple. Fait que ça reste à voir. Évidemment, l'engin graphique a été amélioré et tout ça. Tu donnes ton argent à Apple, mais dans un sens, tu donnes ton argent à Samsung aussi. Ils sont contents. Ben ouais, tu donnes ton argent à Samsung, mais t'en donnes une partie à Apple parce qu'il y a des brevets qui appartiennent à Apple, puis plein d'affaires comme ça. Imagine-toi comment gérer ça doit être l'enfer. C'est comme les agences de voyage en ligne. Ça. Là, j'ai appris cette semaine que Expedia a acheté Travelocity ou quelque chose comme ça. Là. Okay. Fait que ça fait maintenant t'as Orbit puis Expedia, là, qui sont les deux gros joueurs qui contrôlent à peu près 99,9% du marché. Donc, comment tu vas avoir de la compétition avec ça? Mais non, c'est comme... C'est comme la location d'auto, là. C'est toutes les mêmes compagnies. C'est comme cette semaine, je checkais dans la presse, où un nouveau joueur dans la câble-distribution. Il parlait de Zazing, là? Non, Distributeur, c'est ça, ouais. C'est parce que c'est le même prix, là. Je veux dire, c'est plus, ça revient plus cher. C'est ça revient plus cher? Ben oui, parce que faut que tu loues ton modem, ou t'achètes ton modem, ou t'achètes, tu loues tes récepteurs. Je pense qu'il y a un paquet de canaux qui sont inclus. Ouais, mais c'est les canaux HD sont inclus, mais c'est les canaux de base normaux. Il y a des canaux qui n'ont pas, là, non plus. Ils n'ont pas les stations américaines. Ils ont pas, c'est juste des canaux canadiens, là, pour la plupart. Sauf, peut-être, CBS, Fox, puis NBC. C'est ça, tu sais. Puis là, l'Internet est inclus dans ça. Je pense que ça revient à 110$ plus les taxes par mois. Fait que là, C'est même plus. C'est comme 130$ par mois. T'as un cap de consommation en plus, final, parce que leurs nouveaux forfaits ont un cap de consommation. Ah, mais tu payes le 10$, puis... Non, avec Distributel, c'est plus cher, c'est 30-40$ plus cher. Ouais, ils ont pas ça, eux autres, ils ont pas 10$ comme chez Vidéotron. Ben, moi, je suis illimité, je suis avec Distributel actuellement. Ouais, c'est parce que t'avais ton ancien forfait. Ah, ok, peut-être. C'est ça, moi aussi, je me suis abonné avant qu'ils mettent les caps, puis tant que je change pas mon forfait, j'ai encore mon 69,95 illimité. Cool. Mais si je voudrais une de leurs nouvelles vitesses, par exemple, si je change de forfait, ben, je serais obligé de choisir un forfait avec un cap ou de payer pour les limiter. Donc, on parlait de ce fameux Bob Bridger qui prend sa retraite. Il semblerait que ce soit des problèmes avec la nouvelle directrice retail qui est en train de faire des changements majeurs. C'est la fille qui a été ramenée de Burberry, si je me trompe pas. Qui est à la tête, Angela Ahrens. Laquelle? Hein? Non, rien, c'est bon. Angela Ahrens Bob Bridger étaient impliqués dans les derniers Apple Store ouverts, donc ceux en Chine, entre autres, là, avec l'espèce de cylindre qui réplique le cube. Tu me fais penser, l'Apple Store en cylindre, là, je mettrais ça dans... Tu sais, on parlait d'un nouveau Apple Store qui ouvrait à Montréal, là, uh-huh. Tu le mets dans le Mylands, puis tu y montes une patente de même, là, ça ferait fureur. Hein. Dans le Mylands de Montréal... Parce que tu vois que dans le Mylands, il y a des terrains vacants là-dedans qui voulaient faire une plage ou je sais pas trop quoi... Mais pour faire quelque chose dans le sol, comme si tu fais ça dans les galeries de la place Ville-Marie, tu sais, comme une terrasse là, au niveau de René Lévesque, tu mets la structure là, puis tu mets la Apple Store dans le centre d'achat qui est déjà construit en dessous. Ben. C'est au centre-ville, ça fait super beau, puis c'est pas trop proche de l'autre. Là, c'est quand même à quelques coins de rue. Ouais. Dans le Myland, c'est pas... Dans le Myland, ils pourraient faire quelque chose comme celle-là à Soho, à New York, là, ou bien celle-là dans le Nord, là, qui est, c'est comme dans un ancien entrepôt, là, plusieurs étages, ou bien celle-là à Soho, c'est dans un vieux building, puis la seule pancarte à Apple qu'il y a, c'est un petit drapeau noir avec la pomme, c'est un drapeau en métal, puis la pomme a comme été punchée dedans. Okay. Probablement qu'ils pourraient regarder aussi du côté de la gare centrale, où est-ce qu'il y a un bureau en gros, je pense, mais c'est peut-être trop gros comme surface. Assez lettre, là, aussi. Les Shop Angus, c'est peut-être trop dans l'Est. C'est vrai, c'est trop pauvre. On va faire ça ici, il y a un petit dépanneur à vendre là, au coin. Là. On va faire quelque chose de beau là-dedans. Là. Il y a une Valentine qui est prête à être louée. Pour engager la serveuse chez Jerry. Hello? Ouais. Excusez, t'es-tu prêt à payer? Est-ce que, messieurs, vous utilisez WhatsApp? Pas tout. Savez-vous ce que c'est? Non, parce que je suis pas un jeune de 12 ans. Je l'utilise pas. Par contre, j'ai déjà été inscrit là, avant que Apple améliore sa messagerie. Mm-hmm. Donc, WhatsApp, c'est une application de messagerie qui a près de 700 millions d'abonnés quand même. C'est une application qui est gratuite. Je pense qu'il y a rien de payant à l'intérieur de ça. Oui, un an gratuit, après tu payes. C'est 99 cents. 99 cents par année? Quand tu l'actives la première fois, t'as un an. Sont en train de tester en fait les appels vocaux. Donc je sais pas si ça va être la même clarté que ce que Apple propose avec FaceTime Audio, Skype, qui fonctionne très bien quand t'as de la bande passante. Skype, moi je trouve que c'est une coche en dessous là, au niveau de la qualité sonore. Ouais. J'en ai vu un nouveau là, open source, FeenPhone ou quelque chose comme ça, là, FEEN. De toute façon, ça revient tout à du voice over IP. Oui, c'est ça. effectivement. Donc, qui sont en train de tester ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer gratuitement WhatsApp et tester. Ouais, c'est pas Facebook qui a acheté ça, WhatsApp, il y a un certain temps? Oui, je pense que oui. Je pense que... Ouais, ça se peut. Ils font juste étendre leur technologie là, déjà là, à du monde qui sont pas nécessairement abonnés Facebook. Là. Leur technologie. On s'entend-tu qu'un petit jeune de 12 ans qui a WhatsApp sur son iPod Touch là, est déjà abonné à Facebook? Là. Oui. Donc, c'est juste rendre le service disponible dans votre application, puis ça doit passer exactement par le même serveur. Ben oui, ça doit pas être une personne de 40-50 ans qui utilise WhatsApp, là. On s'entend-tu, là? Je penserais pas. Tiens. En tout cas, bon, next, ça a été encore une semaine avec beaucoup de mises à jour. Oui. On a eu de la mise à jour, on a eu 10.10.2, 8.1.2 dans iOS, on a eu Logic, on a eu Xcode qui a fait une mise à jour. Que ah oui, ben sûrement ça suit là, ça, ouais, Xcode. Ça suit tout ça. Et Apple qui avait pas à faire de mise à jour sur iTunes, mais qui l'ont fait juste pour faire chier Yann Terrio. Non mais pas juste faire chier Yann Terrio, mais faire chier tout le monde. Parce que c'est de pire en pire, là. Remets notre part. C'est toi qui écris ça aujourd'hui sur Twitter, je pense, là. Les iTunes, Flash, puis Java, là, qui sont mis à jour, là. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu sais, parce qu'à cause du. Ah oui, il y a un problème avec Flash, là, avec la dernière version, oui. Là. Il y a un bug avec. C'est l'enfer, les mises à jour qui font. C'est constant. Tu pourrais même rajouter peut-être Adobe Acrobat à cette liste-là. Ah, je le vois pas bien. Il y en a, oui, il y en a souvent. Aux deux semaines. Ah ouais, comme ouais, des mises à jour, puis là, ça te pop, là, il faut tout que t'arrêtes, faut que tu fasses redémarrer ton ordinateur, puis. Ah non, c'est fatigant. Mais non, c'est ça, fait que c'était le paradis de la mise à jour cette semaine, puis la semaine passée. C'était quelque chose. 10.10.2 qui était supposé de corriger les bugs de Wi-Fi, mais que j'ai encore. Que je n'avais pas dans les autres versions bêta, que c'était réglé, mais là que c'était arrivé avec la dernière version. Je sais pas j'ai, pourquoi. J'ai entendu des gens dire que historiquement, Apple, c'était à X.2 que les bugs étaient réglés, mais c'est pas vrai. C'est à X.3 habituellement que la version commence à être stabilisée. Puis qu'on suggère aux compagnies là, de faire les mises à jour parce que bon, leurs logiciels sont à même d'être mis à jour, tout ça. Là. On parlait des systèmes qui sont mis à jour à chaque année maintenant chez Apple. Ils devraient plus faire ça premièrement là, parce que ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas gérer un parc informatique même si la part de marché d'Apple dans les ordinateurs est très faible, mais le parc informatique des systèmes d'exploitation chez Apple est très grand. Là, il en supporte en tabarnouche. Là. Ben, oui et non, dans le sens où on va en parler bientôt. Là, les chiffres d'Apple sont sortis. Puis des Mac qui en vendent, c'est impressionnant comme chiffre pour un fabricant d'ordinateurs, sauf que par rapport à ce qu'ils font avec les tablettes, par rapport à ce qu'ils font avec le App Store, par rapport à ce qu'ils font avec le iPhone, il y aurait pratiquement plus besoin d'en vendre, tu sais, des ordinateurs. Ça ferait chier, on serait tous pognés avec un PC, mais puis tu sais, c'est parce que c'est un écosystème, là. Nos Mac, on les aime parce que les iPhones fonctionnent bien avec. Les gens qui sont sur iPhone et qui sont sur PC, ils trippent pas tant que ça, là, à cause d'iTunes puis tout ça, tu sais. Mais t'aimes ça, recevoir un système d'exploitation à chaque année? Ben, c'est parce que des bugs à chaque version? Ben, non, j'aime pas ça, mais d'un autre sens, je comprends pourquoi ils sont obligés. C'est-à-dire que il y a, tu sais, dans le sens où chaque année ils sortent un nouveau téléphone, ouais. Et ils veulent que le système d'exploitation, et puis c'est ça qu'on a dit depuis l'annonce là, de iOS 8, c'est que Apple voulait diminuer le nombre de clics entre l'utilisation que tu as à faire, que ce soit end-off, de commencer un email à un endroit, de le ramener sur ton ordinateur pour le terminer, ben tous ces services-là, tu peux pas juste faire une mise à jour de ton système d'exploitation de téléphone, faut que tu fasses une mise à jour de ton système d'exploitation d'ordinateur. Puis là, c'est ça qu'ils essayent de stabiliser, puis tout, mais bon, c'est sûr que ça cause des bugs, c'est sûr que c'est... Puis l'autre chose aussi, c'est que il y a beaucoup de monde qui voudrait, surtout au niveau professionnel, qui voudrait que Apple continue de faire des ordinateurs dits professionnels, mais que ce soit du côté d'Adobe qui pousse ces solutions cloud au maximum, que ce soit Dropbox qui est encore en train d'évoluer vers des solutions professionnelles de cloud, des serveurs, on va en avoir de moins en moins besoin. Mmh. D'ailleurs, c'est une de nos nouvelles, Apple qui a récupéré les usines de GT Advanced Technology qui allait leur faire leur écran de Saphir. Bon, ben, ils ont sorti les fours de là, ils les ont vendus à des compagnies et ils vont utiliser cette place-là qui est en Arizona pour faire un data center. C'est pas un data center, c'est un evil lair. Là. C'est 2 milliards de dollars de stock qu'ils vont mettre là-dedans. Le dernier qu'ils ont construit il y a à peine 4 ans, c'était 1 milliard de dollars. Là, ils doublent la mise, ça va être deux fois plus gros. On sait pas ce qu'ils vont faire avec. Ça va être un digital. Oui, ils vont faire rouler l'internet aux autres au complet là, si ça continue. Là. Ben c'est pas, tu sais, sauvegarder l'internet, c'est pas si gros que ça. Ça doit prendre. C'est une coupe de térabytes. Ouais. C'est une coupe de térabytes là, tu sais, c'est sûr là, mais. En gros, là, des sites web, c'est léger habituellement. Ouais, on parle pas des fichiers à l'intérieur. Ouais, là, mais c'est ça. Mais si on regardait sans les fichiers. Ouais, c'est ça, sans les fichiers, là, mais quand même. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau. Hein, tu sais, c'est bien beau c'est l'expansion, mais commence par régler tes troubles, là, puis on va expanser après. Tu sais, je veux dire, parce que ton utilisateur, là, il commence à être tanné. Là. Ben, nous, on commence à être tanné, mais l'utilisateur moyen, lui, tu sais, il fait comme. Ben, regarde. Bon, ben, ça marche pas. Regarde Maxime Tremblay, quand il nous parle sur Twitter, qu'il parle à sa job, le monde utilise des Macs, puis le monde sont en temps. Puis c'est pas du monde qui nous écoute ou qui fonctionne avec des Macs à journée longue, là. Non. Tu sais, je veux dire, si on commence à être tanné que son maudit Wi-Fi fonctionne pas, Chris, veux-tu bien le régler ou change ta puce qui est dans ton Broadcom à l'intérieur, puis mets-en un autre, là. Tu sais, enlève ton maudit Broadcom que tous les maudits ordinateurs Je sais pas si c'est Broadcom qui cause le problème autant que leur pilote de Wi-Fi. Parce qu'il se passe des choses en arrière-plan, là, pour les portails captifs, pour des trucs comme ça. Apple est comme pogné en deux os, c'est-à-dire que son furteur fait certaines choses pour faciliter la vie de l'utilisateur, mais d'un autre côté, bon ben, quand il y a quelque chose qui est mal configuré ou qui fonctionne pas bien, moi j'ai vu des ordinateurs vraiment mal fonctionner avec des routeurs third party, puis dès que tu mets du Apple, ça fonctionne, sauf qu'en même temps, un AirPort Extreme, là, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas mis à jour, puis ils veulent pas te donner des fonctionnalités avec. Là. C'est ça, je comprends. Aller chercher. Je savais même pas qu'on pouvait pas même pas de VPN dans ça. Dans quoi? Dans un AirPort. Non, faut que t'ailles une boîte. C'est vraiment. En amont. C'est vraiment fermé là, de ce c'est côté-là. Là. Mais c'est le logiciel qui fait que c'est fermé, c'est pas la puce, parce que la puce dans un AirPort. C'est la même puce que dans n'importe quel autre moderne, dans la hauteur, je veux dire. C'est assez ordinaire comme. Comme chose, mais bon. Mais t'sais. Apple veut faire des choses simples. Il n'y a pas d'autres modernes qui ont que tu fais juste ouvrir une application sur ton ordinateur puis tu vois ton réseau. Ah non, il n'y a pas une autre compagnie qui fait ça. Ouvre l'ancien utilitaire de configuration des links, là, c'est de la merde, là, ça, carrément. Là. Ah ouais, c'est sûr que t'es pas obligé de passer par ton furteur pour aller jouer dans ton routeur. Ça, c'est sûr, je l'ai. Il y en a d'autres, mais ce sont des solutions plus. Professionnels qui vont faire ça. D'ailleurs, en fait, les chiffres de Apple, c'est fou. Le 30 janvier passé, ils ont atteint le 120$ pour chaque action. Mm. Donc, si on regarde avant le split, ça fait quoi? 240, 250 à peu près. Non, le split, c'est x7. Ah oui, elle a été divisée par 7, ouais. Elle était à 700$. Ah, ouais. Elle a été divisée vrai, ouais. par 7, elle est rendue à 120. Fait que ça fait 7 fois 4, ça fait 840$. Donc ouais, mais tu sais, le monde dit ah, c'est gros, 840. Check Google. T'sais. Pour l'action? L'action Google. Oui, mais la capitalisation boursière de Apple est la plus grosse. Elle vaut 700-800 milliards. Exact. Puis c'est la compagnie que. C'est pas juste un record pour Apple, c'est un record pour n'importe quelle compagnie. Ouais. Ils ont fait 74,6 milliards de dollars, ou en anglais c'est billion, milliards de dollars, pour un profit de 18 milliards qu'ils ont rajouté en 3 mois seulement. Ils ont vendu 74,4 millions de iPhone. Ils sont maintenant rendus à avoir vendu depuis les débuts 1 milliard d'appareils iOS. Fait que calcule-là à 1000 piastres chaque, là. Ouais. ça, l'argent rentre. Mais dans, ça le fait... temps, dans le temps, c'était moins cher. L'iPhone original était combien? Il était 399, 499? Non, c'était plus cher. C'était 7... Ah, tu veux dire avec les contrats? Ben, 7... Non, mais dans le temps, quand il est sorti là, avec Singular, là... Ouais. Ou AT&T. Avant qu'AT&T les rachète, là. C'est ça. Non, il était très très haut en prix, autour de 899 ou 999. Puis ils ont descendu le prix en peu près deux mois. Je sais pas pourquoi, parce que, peut-être, là, ils avaient mal calculé le prix ou ils ont eu comme un gros rabais pour les pièces, mais ils ont remboursé du monde avec des cartes cadeaux à l'époque. Mais tu sais, on va parler de l'action d'Apple puis l'argent qu'Apple fait. À matin, à Arcan, comment il s'appelle celui qui fait la finance? Vizina. Obama, hier, a parlé de son budget, tu sais. Oui. Puis aux États-Unis, les compagnies sont taxées à 30%. T'sais. Oui. On là, sait il a descendu ça, ah, attends, pense. C'est ça, oui, c'est ça. Fait qu'on sait qu'Apple... son argent, il paye pas d'impôts aux États-Unis parce que sont tout l'argent d'Apple parce que tu sais mettons en Chine Apple fait des millions, fait des milliards parce que c'est rendu le gros marché en Chine, je sais pas pourquoi là, sont tous virés fous parce qu'on a vu ça cet été en oui. ligne là. Fait que il garde son argent là-bas. Oui. Mais là le problème c'est qu'Apple ont donné des ils ont racheté leur action, ils ont acheté pour 7 milliards en pendant même. Oui. Mais ils ont emprunté aux États-Unis. Ils ont emprunté 7 milliards aux États-Unis. Fait que si, mettons, tu sais, eux autres. Oui, parce que ça leur coûte moins cher de laisser l'argent puis de ne pas payer de taxes. Exactement. Ailleurs que de faire un emprunt aux États-Unis. C'est oui. ça. Fait qu'ils ont emprunté 7 milliards aux États-Unis oui. pour donner à leurs actionnaires. Ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Là, c'est fou. Puis après, Obama dit, mais on n'a pas d'argent. C'est sûr que Chris vient d'en passer 7 milliards. Ben oui, il vient de descendre les taxes. À 14%. Mais ça, on savait que ça allait être fait parce que quand Tim Cook a été appelé au Congrès américain il y a quelques mois de ça, et qu'il est allé parler, il a expliqué que, écoutez, là, nous, on joue avec les règles. Là-bas, on paye, mais on paye beaucoup moins qu'ici. Puis si tu étais à quelque chose autour de, tu sais, autour de 10%, ben c'est sûr que notre argent reviendrait ici. Mais en attendant, tu sais, on a 100 milliards là-bas, on va pas le ramener puis que t'en prennes 30%, tu sais. Nous autres, on va le faire sur notre magasin aux artistes. Ouais, exactement. Mais le gouvernement en veut pas, toi, tu touches pas à notre argent. tu sais, c'est n'importe quoi, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que là, c'est ça qu'Obama a dit. Mais là, parce que surtout à Apple qui ont dit ça, parce que si c'est la plus grosse compagnie qui peuvent ramener de l'argent aux États-Unis, c'est Apple avec leurs milliards qu'ils font. Fait que, tu sais, ils ont dit, ben là, on va vous mettre ça à 14%, puis revenez, tu sais, on va les attirer de même. Mais même à ça. Le truc, par contre, je pense qui est pas cool, c'est que s'ils le font, ils sont obligés de payer comme le 14% tout de suite, ou. En tout cas, il y a une passe-passe qui est pas trop tripante, là, mais ça risque de fonctionner quand même, ce qui va rapporter beaucoup d'argent aux trésors américains qui en ont vraiment besoin. Hey, j'ai vu la dette, là. C'est 19 000 milliards. Puis ils n'ont même pas de... Ils ont même pas de service de santé gratuit. En plus, imagine si... Puis en plus, le PIB il est à 103-105%. Fait qu'ils sont endettés en temps. Ouais. À comparer d'ici que notre dette est je sais pas combien au Canada. Fait que nous autres, notre PIB est plus bas. Uh-huh. Mais eux autres, leur PIB il est plus haut que 100%. Il est à 103-105%. Fait que leurs 19 000 milliards... C'est plus... En tout cas, c'est fou comment que... Ben, c'est dans la mentalité américaine de dépenser, j'ai l'impression. Ici, on dépense pas. On dépense pas rien. À noter une chose, c'est que habituellement après ces appels-là là, qui ont eu lieu la semaine passée, après qu'Apple annonce ses chiffres, l'action a tendance à descendre, même si Apple annonce des chiffres records. Mais les chiffres étaient tellement au-dessus de ce que... Ça a commencé à augmenter. Donc, Apple prévoyait entre 61 et 64. Ils ont eu 74, alors que la bourse était entre 63 et 68 milliards. Donc, quand ils ont vu 74,6, ils ont fait comme tabarouette. Puis l'action s'est mise à monter. Présentement, là, le Nasdaq est fermé. Là. La bourse est fermée. Il est à 118 et 65. Oui, il a monté jusqu'à 120 la semaine passée. Il a monté jusqu'à 120 et 23. Fait que c'est quelque chose, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand compagnie qui sont capables de les accoter. Nope. Fait que... c'est une triste journée aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez le site TUA, ou The Unofficial Apple Weblog. Ils ferment leurs portes et cesseront leurs publications dès aujourd'hui, donc c'est terminé. La décision vient de la maison mère AOL, les Evil des années 90. Je savais même pas que ça existait encore. Ah oui? Oui, oui. Ouais, c'est plus, ils vendent plus vraiment d'abonnements Internet là, maintenant. Quoi qu'il y a encore, j'ai lu un article à un moment donné. Il y a encore quelque chose comme 60 millions d'Américains qui payent AOL encore. Avec le CD-ROM, là? Ouais, genre, l'accès Internet 54K là, de AOL que tu recevais dans le Publisac à chaque mois, là, un CD-ROM avec 800 minutes gratuites pour les enfants de même. Des gens qui sont contre la vaccination. Ou des gens qui ont leur adresse email @AOL.com puis qui sont pris par la gorge parce que maintenant ils sont pas capables de programmer un retour de genre, courriel. Ça doit être le même genre de personnes qui parlaient à la facture l'année passée, qui payaient encore leur téléphone à cadran à Bell ou bien aux États-Unis, il y en a comme ça. Avant, il fallait louer le téléphone Touchstone à AT&T. Il y en a encore là, des millions qui payent le frais mensuel. C'est surtout les personnes âgées. Ce blog-là existait depuis 2004 et ça surprend quand même la fermeture assez impromptue. Les articles qui se retrouveront, semble-t-il, pour un moment sur Engadget, qui est aussi un blog de nouvelles technologiques, Y a-t-il quelqu'un qui va racheter ça? Toi, je pense pas, les journalistes vont se séparer puis vont aller à différents endroits. Ben, ça devait déjà être des journalistes de AOL qui écrivaient... Okay. C'est les articles qui devaient juste être publiés sur ce site-là, j'ai l'impression. Ouais. L'adoption d'iOS qui atteint maintenant 72%, mais c'est encore à la traîne par rapport à iOS 8 de l'an passé. Probablement que les problèmes de mise à jour avec la version 8.01, ainsi que des rapports de ralentissement par les usagers des plus vieux appareils ont probablement freiné les ardeurs de ceux qui ne mettent pas à jour leur téléphone chaque année. Je pense que c'est le deuxième choix, moi. Tu penses que Ouais, parce que même le bug qu'on a eu dans 8.0.1, c'est correct, mais quand que iOS 7 est sorti, les iPhone 4 ont mangé à clan, les utilisateurs ont dit toi mon esti, tu rentreras plus dans mon téléphone là, avec ta dernière mise à jour qui va faire ralentir mon iPhone 4S, je pense. Mais d'ailleurs, ça l'a poussé beaucoup d'utilisateurs que je connais personnellement, des gens que je connais qui avaient des iPhone 4 à changer soit pour un Android ou pour un autre iPhone. Il y a beaucoup de monde qui ont changé leur iPhone 4 pour un autre téléphone à 0$ souvent, puis ils ont choisi un Android. Mais c'est cave, tu sais, de dire que je vais prendre un Android pour remplacer mon vieux iOS, tu sais. Tu vas te rendre compte dans 4 ans que ça va être la même astuce d'affaires. Exactement. Puis que pendant ces 4 ans-là ou ces 3 ans-là, t'auras pas eu une maudite mise à jour sur ton téléphone, t'auras pas eu une nouvelle fonctionnalité. Les gens qui ont toffé leur iPhone 4 aussi longtemps qu'ils l'avaient depuis le lancement ou qu'ils l'ont acheté par après, c'est parce qu'ils l'avaient payé 0$ déjà en partant. Donc c'est pas des gens qui veulent investir beaucoup pour leur téléphone ou qui tiennent nécessairement la marque Apple, parce que le seul critère qu'ils ont, c'est d'avoir un forfait pas trop cher, de payer leur téléphone pas trop cher. Et voilà. Bon. Et c'est ça. J'ai dit à bien du monde que je connaissais, ben achète-toi un iPhone 5S, tu vas le payer 5C ou 5S. 5S, tu vas le payer quoi 49$ là, sur 3 ans, tu vas avoir le Touch ID puis des fonctionnalités, puis c'est un super bon téléphone, mais tu vas avoir 0$ un Galaxy. Bon, c'est ça, un Galaxy. Tu rachèteras toutes tes applications. Bon, c'est pas grave, mais pas beaucoup. C'est ça. Tu vas le comprendre dans 2-3 mois. Ouais. Tu sais, ma sœur a un iPhone 4. Il faut qu'elle change. Son écran est pété. Mon ami Cathy a un aussi. J'ai joué avec en fin de semaine. Là. Oh mon Dieu, je voulais mourir ma vie. Ah oui, c'est fou, hein? Ah, c'est dégueulasse. Tu touches à ça, c'est trop petit. Ah oui, il y a ça, mais je parle du système, là. Ouais. Tu veux prendre le téléphone, tu veux le crisser sur le mur parce que tellement que ça roule pas. Puis imaginez-vous Facebook ouvrir là-dessus. Tu veux pleurer ta mère. Dans un autre ordre d'idée, 2 mois après sa sortie, Lollipop, le dernier système d'Android, n'atteint pas 2% des usagers. Je l'ai installé sur la tablette Nexus à mes parents. À tes parents, ouais. À la fin de semaine passée, là, 2 semaines. Surprenant. Ouais, c'est ça, mais ça n'atteint pas 2% des usagers parce que c'est disponible pour 3 modèles de Nexus. Ouais, exactement. Pis tel modèle spécifique de tablette, puis tel modèle spécifique de téléphone LG. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui. C'est ça. C'est le gros problème d'Android. Mais c'est surprenant que le système, que ça a été très long, par exemple, à mettre à jour. Ça a été plus long que mettre à jour sur un iPhone. Mais c'est beau, les notifications, sauf qu'ils ont copié pas mal sur Apple. Là. Système de notification maintenant, là, le X, là... Je pense que c'est le contraire. Si tu penses à des gens, si tu parles à des gens qui étaient Android avant, c'est plus le contraire qui est arrivé. En tout cas, moi, j'ai vu tout de suite que le X ressemblait à Apple, là, mais bon. Mais non, c'est ça. Fait que 1,6% d'usagers ont maintenant Lollipop. Puis, t'as peu, là. Il y a Lollipop 5.0, 5.0.1 et 5.0.2 de disponibles. Ouais. Sur les Nexus, c'est 5.0.2. Mais sur les M8 que Rogers était supposé de sortir aujourd'hui, je pense que c'est 5.0 tout court. Fait qu'il y a le bug du, s'il ne corrige pas, il y a le bug du clavier canadien-français qui est à l'intérieur, qu'on, ça fuck là, quelque chose. Dans, fait que ça prend 5.0.2 pour que le bug soit corrigé. C'est le fun. C'est très le fun. C'est pour ça que, Google ont sorti, ont arrêté. C'est pour ça que Google, quand ils ont eu le bug du canadien-français, ont retiré le Lollipop des tablettes Nexus et les téléphones parce qu'ils savaient qu'ici au Canada, on l'utilisait le clavier canadien-français. Ils l'ont retiré. Ça a pris un mois et demi, je pense, avant qu'ils le repoussent dans leur tablette et leur téléphone. Il y a d'ailleurs, en fait, c'est en Corée du Sud, patrie de Samsung. Ouais. Les instances en fait, de la concurrence sont en train de vérifier s'il n'y a pas comme un monopole ou un oligopole entre Google et iOS, puis ce serait une manœuvre en fait pour obliger peut-être à pousser un autre système d'exploitation. Fait que Samsung pourrait comme dire ben moi j'ai Tizen, fait que sacrez-moi patience, puis faites les trucs. Fait que c'est un peu gamiqué. On s'entend-tu que Tizen là, sur un Samsung là, Galaxy S3, S4, là, tu veux mourir ta vie? Hein? Le CRTC bannira le sim-subbing des commerciaux du Super Bowl à compter de 2017. Et toi, c'est une nouvelle. Ah ben, c'était avant que les canons canadiens lancent leur version HD, je parle genre de 2008 à peu près, ils pouvaient pas retransmettre leur signal sur les canaux américains parce que la qualité était pas pareille. Donc en 2008, sur Illico par exemple, quand on accédait aux canaux HD de NBC ou CBS ou peu importe, on avait le vrai stream américain, donc on voyait les annonces américaines, mais quand on écoutait la version SD du canal, était comment je pourrais dire ça en... C'est la version canadienne. Non, mais comment je pourrais dire ça en français? Sim-subbing était en substitution simultanée du signal canadien. Donc, c'était la partie là, qui était diffusée au canal américain, mais durant les annonces, c'était des annonces d'annonceurs canadiens. OK. Qui sont loin d'avoir le même budget que les annonces américaines. On voit en boucle des annonces là, pour probablement le pipeline Enbridge, puis le... C'est quoi le nom du pipeline? Nord Canada? C'est pas Trans-Canada. Peu importe, en tout cas, on voit des annonces de sable bitumineux, de Petro-Canada, puis de McDonald's Canada. Hein, c'est ça. On n'a pas les mêmes annonces qu'aux États-Unis. Et puis, dans un mouvement dans l'intérêt du public canadien, ce qui est très, très rare, le CRTC a décidé d'interdire, à compter de 2017, aux diffuseurs canadiens de faire de la substitution simultanée d'annonces durant le Super Bowl spécifiquement. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir le vrai stream américain là, du canal. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait un football-less Super Bowl. Uh-huh. C'est-à-dire que même menu, même goût de fêter, même publicité, parce que j'ai écouté en fait toutes les publicités sur YouTube. Mm-hmm. Et show de la mi-temps animé par le Québécois Harley Weinstein, le gars des Epic Mealtime avec la grosse barbe. Lui qui animait ça a été proposé par YouTube. Mais quand même, ce serait le fun que la CRTC allume là, puis qui autorise les canaux canadiens à diffuser des émissions américaines dans le même créneau horaire sur leur poste, puis laisser l'auditeur faire un choix. C'est sûr que pour les revenus d'annonce, c'est moins intéressant, mais si moi, ça me tente d'écouter The Amazing Race, par exemple, à CTV, puis d'avoir les annonces canadiennes, puis d'avoir des annonces, mm-hmm. d'avoir les annonces des émissions qui jouent à CTV, mm-hmm. j'ai le droit de le faire. Ouais, mais si ça me tente de l'écouter à CBS, puis d'avoir le présentateur météo américain pendant l'annonce, puis l'annonce des produits américains, j'ai aussi le droit de le faire, parce que je paye pour CBS dans mon forfait télé. T'as raison. C'est ça. Mm-hmm. C'est une loi qui est en place pour protéger les revenus d'annonceurs sur les canaux canadiens. Ouais, parce que là, RDS va perdre beaucoup d'argent l'année, en 2017 quand ils vont présenter le Super Bowl. Exactement. Là, ils vont présenter le Super Bowl quand même sur leur poste. Ouais, mais ils vont avoir leurs annonces sur leur poste. Mais moi, si je l'écoute, à quel poste ça va être? Ça va être à ABC l'année prochaine, je crois. Si moi je le mets sur ABC, je vais avoir les vraies annonces américaines. Puis t'es comme un Américain à Burlington l'écouterait, là, parce qu'on comme a les 114 ABC de Burlington. Millions ont regardé le Super Bowl de dimanche soir. Avec cette année, le tu sais, on se souvient qu'à l'époque il y a la brassière de Janet Jackson qui avait tombé. Là, la grosse affaire, c'est un des deux requins qui s'est trompé requins. De pas de danse. Ben ouais. Il y a même un compte Twitter. À quoi il ressemblait le requin? Apparemment, ça disait que ça allait voler la vedette. Ouais, le monde oublie ça, là, on capotait après. Il y a un mot clic. À quoi il ressemblait le requin? Au jazz holographique dans Back to the Future. Il était de la même couleur. Je pense que c'était ça qu'il voulait rappeler. Bon, là, et là, une nouvelle qui m'a mis ça? C'est le monde des communications. Il y a toujours une nouvelle de fournisseur de services canadiens, mais à part de vous dire... qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans vous dire que Fido a augmenté de 1$ ses forfaits pour matcher le prix de Virgin. Et Rogers vont augmenter ses frais de les frais de rehaussement de 15 à 20$. Mais TELUS a annoncé cette semaine, ça nous vient du site iPhone in Canada, qui a un sérieux problème d'hosting d'images présentement, en passant, qui a annoncé qu'à partir du 31 mars 2015, TELUS allait mettre fin à son service de pagette à l'échelle du Canada. Bouh. Et puis ça met dans l'inquiétude des villages de la Côte-Nord au Québec qui sont pas encore desservis par le cellulaire et puis qui utilisaient ce service-là pour contacter entre autres les médecins ou les personnes en cas d'urgence. Deux de drogue. Pour appeler... Mais il n'y a pas juste TELUS là, qui opère un réseau pagette encore. J'imagine que Bell opère encore ça. Mais quand même, dans ce coin-là, c'est pas Bell, c'est TELUS. C'est dans ce coin-là spécifiquement qu'il y a des inquiétudes. C'est sûr que Bell lui Rogers doivent encore avoir des pagettes quelque part. Mais c'est drôle quand tu dis qu'il y a encore des villages en 2015 qui n'ont pas de service cellulaire, mais qui ont juste le service de pagette. Puis imagine-toi le monde qui n'ont pas Internet encore dans place creuse. Du monde encore qui l'ont pas. Je serais pas capable de vivre. Non, mais ça. T'as l'Internet par satellite à 256K, là, une bande passante maximum de 3 gigs par mois. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu penses à ça. Il y a du monde qui n'a pas Internet, là, dans le. Il y a du monde qui a leur seule option, là, c'est le fax ou l'Internet par téléphone. Là. Ouais, exactement, de AOL. Ouais. Internet par téléphone que tu peux pas téléphoner puis aller sur Internet en même temps. Non. Arrêtez. T'es obligé d'écouter ton modem se connecter là, pendant un gros 45 secondes. Ah, je vais être malade. C'était tout pour les nouvelles cette semaine. On passe à nos découvertes et applications dans quelques secondes après ces messages publicitaires. La Pomme. Le podcast. Vous revient dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast La Pomme par courriel info@lapom.me, par Twitter @lapom_me, sur Facebook facebook.com/lapommepodcast et sur le web lapom.me. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. De retour à La Pomme, le podcast. Hein? Ta femme, elle tourne-tu? À peine. On est revenu, messieurs. Non, mais on parle de... Ben, j'étais en train de constater durant la pause que j'utilisais juste 30% de mon processeur pour faire rouler Wirecast. Excellent! J'ai également ouvert Nicecast, Audio Hijack, Chrome, Safari. Bon, mais fais-nous donc un petit rendering avec Final Cut en 1080p. Vas-y. Ben, ça va fonctionner. Il y a une carte graphique de 2 gigs là-dedans. C'est là, vrai. C'est comme... fais-nous donc 2-3 bitcoins en même temps pendant le podcast, là. Ah oui, ça serait pourquoi payant, pas, ça serait hein. Cool. C'est parti, c'est tout commencé, ce que vous avez dit. C'est ça. J'ai tout de partir ça, j'ai un petit script. J'avais tout pensé à tout ça. Tout Automator, c'est ça, on ouais. Remercie Automator. Au niveau des découvertes et applications, première chose, en fait, pour les gens qui nous écoutent, Mechanical Story, qui est un petit jeu, en fait, intéressant pour les enfants. Moi, mon fils aime beaucoup jouer à ça. Il y a un Piggies ou quelque chose comme ça, le jeu où est-ce que tu fabriques des go-karts avec des boîtes, des boîtes en carton. Tu mets le... Tu peux les faire avancer avec des bouteilles de 2 litres de coke qui spray des trucs comme ça. Mon fils aime beaucoup jouer à ça. Et là, je lui ai trouvé un Mechanical Story. Il faut en fait placer des gears, comment on dirait en français, Jean-Michel? Des engrenages. Des engrenages, voilà. C'est des engrenages qu'il faut placer pour que le mécanisme du tableau fasse cliquer sur un bouton ou je sais pas quoi. Mais il faut les mettre dans le bon ordre, sinon ça fonctionnera malheureusement pas. Donc, cette petite application-là est gratuite. Donc, si vous écoutez le podcast en différé, laissez faire, c'est pas assez. Mais sinon, vous pouvez aller voir A Mechanical Story. J'en ai une. Oui, qui est gratuite. Oui. C'est dans l'application Apple Store. Oui. Vous ouvrez l'application Apple Store et c'est dans... Attendez un peu, je vais vous... Ceux qui nous écoutent en live et en différé, je vais le faire avec vous. Vous ouvrez l'application Apple Store et vous descendez dans le bas de la première page et vous allez avoir... C'est Slow Shutter gratuit. Vous appuyez là-dessus et ça va vous emmener sur le store avec un code que vous... C'est quoi en français? Rendering? Rendem un code? Que vous réclamez. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que vous allez avoir l'application gratuite de Slow Shutter. Je l'ai essayé hier soir. Oui. Ça fonctionne. C'est juste que, tu sais, ça fait comme... C'est pas une Canon à plus finir, là, mais ça fonctionne. Tu sais, ton... C'est une petite application gratuite. Là. C'est pour contrôler la vitesse de ton ouverture. De... Par exemple, si tu prends une photo de chute d'eau puis que tu vas avoir l'espèce d'effet ouais, de fait que c'est ça. Faut que flou dedans. Ouais. Une application, en fait, ça m'arrive très, très peu souvent, mais il y a une application qui est sortie cette semaine et qui promet de prendre des photos d'encore meilleure qualité. Tout ça, ça s'appelle Hydra, elle est 3,49 et il n'y a rien dans cette application-là qui fonctionne. Tenez-vous loin. Quelle application? Ça s'appelle Hydra, H-Y-D-R-A. Oui, je l'ai vu passer, oui. Ah ouais? C'est pas très hot, là. Ah ouais? Ça promet, en fait, de prendre des photos en HDR, mais ça le fait pas très bien. Ouais. C'est beaucoup trop sensible. Puis il faut que ce soit sur un trépied, puis même là, elle a de la misère. Ah ouais? Fait que c'est vraiment pas trippant. Okay. Sinon, il y a deux jeunes filles deux jeunes filles de 17 et 16 ans qui ont voulu, qui sont des créatrices de jeux, qui se sont rencontrées dans le cadre d'une compétition de codage, compétition qui était faite pour essayer d'augmenter puis d'attraper les filles qui sont pas nombreuses dans l'industrie informatique, probablement à cause de l'attitude de marde de beaucoup de gars. Donc, elles ont développé un jeu qui s'appelle Tampon Run. Et Tampon comme dans Tampax. Là. Oh my god! Donc, c'est un petit bonhomme qui court, qui se fait attaquer. Par des tampons? Qui se fait attaquer par d'autres petits bonhommes. Et lui doit sauter pour ramasser des boîtes de tampons. Et c'est son arme. Il lance des tampons. Oh. Donc, c'est un petit jeu à la Flying Bird. Là, tu sais, c'est très, très simple. Ouais, ouais. Sauf que, j'ai joué. C'est assez addictif. C'est correct. C'est du 8-bit. C'est pixelisé. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai joué à Tampon Run. J'ai garoché des tampons Kotex. Donc, jetez un coup d'œil à ça. Et c'est vraiment, en fait, pour amener, en fait... c'est pour faire comprendre aux gens que, bon, tu sais, les menstruations, c'est pas un tabou. Puis c'est un truc de féministe. Donc, les filles voulaient juste faire ça pour qu'au lieu de gueuler... Oui, oui, oui, ben ils en parlent un peu partout. C'est, ah ouais? Oui, oui, c'est drôle. Ben, sinon, il y a OWC, la compagnie très connue qui fait des produits de la mémoire vive pas chère. La mémoire ouais. vive pas chère, sauf quand surtout, ça passe les surtout lignes. Surtout connu pour ça. Là. Oui. Ouais, mais là, ça va venir cher, là. Bon, pas plus cher que les autres. Non, mais là, elle va devenir cher avec le taux de change. Avec le taux de change, oui, mais... Qui offre un dock Thunderbolt 2 avec plein de connexions pour 249$. Je vous l'ai envoyé cette semaine, puis Jean-Michel était super content parce qu'il y avait finalement une connexion micro dessus. Mais ça vaut 250$, ça, il y a un line-in pour mon ordinateur. Excellent. Il y a 5 ports USB 3, si je me trompe pas, 2 Thunderbolt 2, il y a un HDMI, il y a un line-in, un line-out, du FireWire. Je pense que je me trompe pas. Il y a un Ethernet aussi. Un Ethernet, ouais. C'est pas mal ça. Ah, puis en plus, le HDMI, c'est la version 1.14B. Fait ouais, que tu peux faire du 4K, ouais. Tu peux faire le 4K dans le... À 30 frames. Ouais. Hey, en parlant de 4K, quand j'étais au Apple Store la fin de semaine passée, j'ai essayé le iMac Retina. Je me suis téléchargé, j'ai été sur YouTube, j'ai mis ça en 5K, la vidéo, ça laguait un peu parce que j'étais branché sur le réseau de... Ouais, filaire. Sans fil d'Apple, mais... Tabarnak! Ça touche. C'est beau, hein? Ah, c'était cœur, hein? C'était cœur, hein? Je l'avais pas vu encore en vrai parce que j'avais pas retourné au Apple Store, puis ça me fait chier aller là quand t'as pas d'argent, tu rentres au Apple Store. Non, moi aussi, j'ai ça, elle est là. J'ai ça, elle est là, point, hein, mais... Ah oui, c'est vrai, mais tu sais, quand tu rentres là, tu te dis que tu peux pas rien acheter, pas d'argent. En tout cas, whatever. Aussi. Fait que je suis rentré là, je dis, hey, Marlene, viens voir, tu en parlant de ma soeur, je viens voir, on va aller voir le 5K. Tabarnouche! C'est cœur, hein, la vidéo qui sort de là, c'est... Je suis curieux, est-ce que ta sœur a vu la différence sur l'écran? Oui. Oui. Tu vois la différence. Oui, oui, oui. Tu vois vraiment. T'as-tu essayé Netflix? Non. Non? Ah, non. Ah, oh, si j'aurais dû le laisser... Ben, ouais, mais... Ça... Hey, il est passé 9h, on aurait pu y aller. Ouais, non. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais mec, j'y retourne dans un Apple Store, je vais me brancher sur mon... Venez Netflix. Rejoindre l'équipe de la pomme. Ouais, Apple Store, qu'il est bloqué. 30, samedi. Il est peut-être bloqué, par exemple, t'sais. Bon, je penserais pas. Ouais. En tout cas. Si YouTube n'est pas bloqué, façon, je verrais pas pourquoi. Actuellement, Netflix est planté, fait que on pourrait... pas? Non, il y a un plantage général. Là. Je suis abonné à un groupe, puis le gars, il dit Netflix is down et this is not a drill. Je pourrais même pas continuer à écouter mes X-Files à soir. Non. Ah, ben j'ai 19-2 écouté. C'est bon. Mais quand même. Tu l'as pas encore écouté? Non, ben, la deuxième épisode qui est entré. Ah, c'est le mercredi 19-2. Mais beau petit doc. T'as la facture aussi. Oui, j'ai la facture aussi. 1h30 de télé de qualité. Pierre Craig revient cette semaine. Ah, ouais, merveilleux. Mais le petit doc, Thunder. Hey, Moupilo, on aime ça, la facture, OK? Mais non, mais beau petit doc, by the way, 250$, c'est pas cher? Ben, par rapport aux autres, c'est à peu près dans la même fourchette de prix. Ce qui est intéressant, c'est que tous les connecteurs sont là. Ah ouais. Donc, au lieu de t'acheter un adaptateur pour tout, sauf qu'il y a pas avoir FireWire. Certains trucs. Oui, il y a un FireWire 800 dessus. Fait que, au lieu de t'acheter tous les adaptateurs de Apple à 29$ chacun, ben. Tu t'achètes ça. Tu les échanges dans tes deux parts Thunderbolt. Il est-tu gros? Tu dois pas être si gros. Tu dois être gros de même à peu près. Ah non, plus petit que ça. C'est gros comme la. Il y a une poignée apparemment. Puis des roues. Il vient avec son propre moteur. Une petite application, c'est en bêta sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. Ça s'appelle Phone Expander. Vous pouvez trouver au phoneexpander.com. J'ai entendu parler de ça, je pense. Ben, c'est en développement actuellement. C'est une petite application qui fait le nettoyage des caches de votre téléphone. Au donc lieu de ça le faire regarde. Comment tu le fais manuellement? Ben, tu rentres dans les settings, puis manuellement, tu effaces l'application, tu réinstalles. Ben oui, donc au lieu de le faire manuellement, parce que non, mais il scanne toutes tes applications, puis il te dit, bon, ben t'as de la cache là-dedans. Je l'ai passé aujourd'hui, c'est un petit peu long, okay. Mais j'ai gagné 4 gigs sur mon téléphone. Okay, oh, quand même! Ouais, ouais, mais je vais vous donner un autre truc plus facile encore. Ok. Ça. Ouais, ben attends, mon truc est meilleur. Tu prends ton téléphone, tu le branches dans ton ordinateur, tu fais un backup avec iTunes, quand iTunes plante pas. Non, ouais. Tu restaures ton téléphone, tu remets ton backup dedans, tu sauves 4 gigs. Ah ouais? Ben oui, parce que ça sauvegarde pas de la cache des applications. Okay. Fait que c'est comme si cette application-là fait, mais ça le fait avec iTunes. Ben là, pour l'instant, la bêta est gratis, puis elle prend pas mal moins de temps que 2 heures et demie à réinstaller ton backup au complet. C'est quoi? Tu te rends sur ce site, sur phoneexpander.com? Oui, pis, c'est capable aussi de... tu peux remover des applications, tu peux clairer tes photos, et bientôt, en fait, puisque l'option n'est pas encore ouverte, tu vas pouvoir nettoyer ta musique aussi dans l'appareil. Oh, moi, ça me concerne pas. Donc, avec iTunes Match... J'ai iTunes Match, moi, fait que j'ai pas de musique. Puis, pour les photos, pour enlever les applications, ça dépend comment ils le présentent. Là. C'est mieux que iTunes, là, où il faut que tu synchronises comme 2 fois à chaque fois. Ouais. Je comprends pas encore. C'est cool. Je sais pas si... Je pense que c'est ces fichiers-là que tu as dans Other, la barre jaune. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc, les gens fichiers-là qu'on sait pas et qui apparaissent pas non plus dans nulle le... Part, c'est là. Ça. Oui, ouais. Ils apparaissent, si. Ben, ils disent la grosseur, mais tu peux pas aller dire dans telle application, dans utilisation, efface la cache de non, ça. Non, c'est ça, je te dis. C'est efface l'application, c'est ça, puis tu la remets. Oui, tu la retélécharges. Donc, Phone, pour ceux qui ont une très très longue barre de Other, là, ben, Phone Expander peut être une très très bonne solution. Moi, sur mon 128 gigs, j'utilise à peu près la moitié du téléphone et, j'utilise la moitié, donc 64 gigs. J'ai 128. Oui. Okay. Puis j'utilise. En fait, j'ai économisé, c'est ça, 4 gigs avec. Tu sais, juste moi, là, OK, l'application, ben, j'utilise beaucoup de Tweetbot, tu sais. L'application, la grosseur juste de l'application, c'est 9,5 megs, OK. Mon cache de Tweetbot fait 570 megs. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là, tu sais. Fait que. T'sais, après, on tombe dans ben, le Family Guy. 449 megs juste de cash. Après, on a Facebook, on n'en parle même pas. Que tu veux mourir ta vie tellement que ça bouffe. Puis, juste. Ah ouais, 91 megs l'application Facebook. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans. Style. Ils te sortent une mise à jour 2 semaines à cette heure, les éclipses. Ils disent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, ils disent pas c'est quoi. Faut aller le chercher toi-même. Ouais, ouais, merci de continuer à nous télécharger. Ouais, ouais, c'est ça. T'sais, c'est comme. C'est 66 megs à chaque tweet crise de 2 semaines. Là. T'sais, c'est n'importe quoi. Puis ça règle pas des problèmes. Là. C'est encore plus long à ouvrir des fois. Là. Mm. Fait que. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je l'ai pas écrit dans le document, mais avant de te laisser parler de ton application, il y a un jeu qui est un Diablo-like. En fait, pour ceux qui ont pas aimé Diablo 3, c'est-à-dire les gens qui ont pas acheté l'expansion. Non, c'est ça, les gens qui ont pas acheté Reaper of Souls. Ouais, qui ont acheté la version originale. Qui ont acheté la version originale Diablo 3, mais qui ont pas l'extension. Il y a un jeu qui s'appelle, bon sang, le nom m'échappe, c'est con. C'est Torchlight. Donc, Torchlight, c'est un vieux jeu. Ils ont sorti la version 2. Mm. Et je sais pas exactement quand, mais sur Steam, la version est devenue compatible avec Apple, avec les ordinateurs Mac. Je pourrais pas dire exactement quand. Je l'ai acheté, moi, dans le temps qui était PC, juste pour être sûr de l'avoir quand il allait être Mac, parce qu'évidemment, les jeux sont les deux. J'ai commencé à jouer à ça. C'est pas mal intéressant. C'est plus slow, un peu, que le premier. Que Diablo. Diablo, ça se promène vraiment vite et tout ça. Les graphiques, c'est un petit peu plus cartoon. Ce qui est intéressant, c'est que t'as un familier avec toi que tu peux choisir. Moi, c'est un panda que j'ai, puis c'est lui qui s'occupe de ramasser le stock quand moi je le ramasse pas. C'est un des trucs qui fait vraiment chier dans Diablo. T'es obligé de te promener pour te ramasser. Là, c'est le familier qui le fait. Il est en solde actuellement, si je me trompe pas. Il est 4$ quelque chose sur le Steam Store. 4,39$, ça vaut vraiment la peine. C'est un bon petit jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé la première version. Il y a 4 types de caractères: enchantress, barbare, ingénieur et un peu le roublard là, ou le voleur qui lui a des fusils. Fait que c'est vraiment chouette. Fait que tu peux te tenir loin des mobs. Et c'est ça. Donc, je voulais attirer votre attention sur Torchlight. Sinon, toi, c'est quoi ton application de la semaine, Jeff? Google Earth Pro. Google Earth Pro, oui, c'est moi qui ai mis ça dans le document. Ah, ok, excuse-moi. C'est pas grave, on... Ouais, vous l'avez c'est, une, c'est une version, la version comme évoluée de Google Earth qui était disponible gratuitement puis qui était utilisée surtout par les médias ou les professionnels qui permettent de tourner des vidéos, prendre des photos de résolution et donner du trafic aussi. On peut mesurer des airs, on peut mesurer l'élévation, on peut mesurer la... Tu sais qu'on va pouvoir faire comme à TVA puis avoir une TV en arrière puis faire semblant d'y toucher pendant qu'il y a un gars à côté qui... Hey, tu vois ça? Exactement, c'est ça. Là. Puis genre, là, l'incendie a eu lieu là, dans tel village indien, puis là, ça zoome dans l'image satellite qui n'existe pas. Là, fait que ça zoome dans du verre, là, c'est ça. Là. Puis là, tu vois, là, puis là, ça zoome out, puis là, t'as Montréal, puis la petite ville là, dans le coin en haut, mais qui est écrit tellement gros qu'il fait la superficie de 4 fois l'île de Montréal là, dans le coin en haut. Là. Mais en réalité, la ville, là, c'est 2 tipis. C'est clair comme ma gueule. Exactement, c'est ça. Non, mais ça pourrait être. Non, mais l'application Google Earth Pro pourrait être utile, par exemple, pour des projets, parce que ça permet de faire des mesures avec la Google Earth régulièrement. On peut mesurer en la longueur, mesurer les trajets. Mais on peut pas mesurer comme un cylindre sur le dessus, ou bien, par exemple, ça mettons, je veux mesurer comme le quartier des spectacles ici à Montréal, je veux mesurer la superficie en mètres carrés de la place où ils font les spectacles. Ben, je sais pas, tu veux évaluer une foule là, sur un territoire, ou bien quelque chose comme ça, là, ça te prend la superficie en mètres carré. C'est quelque chose avant qui était réservé à la version pro, mais maintenant qu'on va pouvoir faire dans la version gratuite. La version pro, finalement, qui était faite gratuitement. Au lieu de 400$, c'est... Ouais, 339, là, elle est gratuite. Ouais, là, maintenant, elle est gratuite. Il y a un petit problème, par exemple. Il fallait remplir un petit formulaire. Ah ouais. Oui, je sais pas, moi je l'ai pas téléchargé. Ah, moi je l'ai fait, c'est fait. Uh-huh. Fait que ça fonctionne pas par le formulaire. Mais il y a... attendez, je l'ai installé. Là, ça fonctionne. Ouais, ça, là, ça fonctionne. Google a donné le code. Le code à tout le monde pour l'installer. Ouais, tiens, c'est comme... Bravo. C'est où, là? Ah oui, c'est ça. Google a donné la licence à tout le monde maintenant. Fait que quand vous allez installer, cherchez sur Google Earth Pro, vous avez la version Mac. Ah oui, moi je vois, il y a le formulaire, puis en haut, il y a un petit bandeau jaune, c'est marqué « Sign up is no longer required for Google Earth Pro. Click here to download Earth Pro, then sign in using your email address and the license key GEP free. » Ah, tu vois, c'était pas marqué avant. Fait que ça fonctionnait pas le formulaire. Fait que c'est ça. Fait que vous téléchargez Google Earth Pro version PC ou Mac, et il va vous demander votre user, vous rentrez votre Gmail, n'importe quel user, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, et vous rentrez GEP free dans le license key, et ça va être débarré. Fait que... Après, vous pouvez ça m'étonne que ça soit encore 2 applications séparées quand même. Ils vont sûrement intégrer ça dans une autre. Ouais. Après, vous signez à votre Google dedans pour synchroniser qu'est-ce que vous faites dans tous les logiciels Google que Google sache où ce que vous êtes. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont comme mis ça de côté un peu Google Earth. Le Google Earth Pro, là, 10 juillet 2013, dernière version. Ouais. C'est ça. Fait que... Ils vont tout intégrer ça dans Google Maps. Tu vas pouvoir être promené dans l'eau puis tout le kit. Mais c'est encore le petit mode simulation d'avion dans Google Earth? Mais tu sais, ça fonctionne bien là, pour une version de 2013. Là. M'a dit franchement, puis tu peux aller plus loin que ça dans cette version-là. Tu peux aller dans les autres. Tu peux aller voir d'autres. Oui, ce qui est intéressant dans Google Earth, c'est qu'on a accès aux archives d'images, par exemple. On clique sur l'icône là, dans le coin, c'est comme une petite horloge, puis on peut voir l'image satellite, par exemple, la plus récente, mais on peut voir toutes les images satellites qui ont été prises avant. Il y en a, ça remonte là, dans les années 60. T'sais, mettons ici, ça va jusqu'en 57. C'est quand même intéressant. T'sais, mettons, on va aller voir le Québec en 57. Il était-tu fait? Le Québec existait en 57. Oui. Ça a été fait beau. Ah, 1930. La plus vieille? La plus vieille. C'est surprenant quand même. Décembre photo satellite en 1930. C'est une carte qui est dessinée à la main. Oui, par Samuel de Champlain. Genre. On m'indique ici à l'oreille que Samuel de Champlain, ça date d'avant 1930. Je sais. Ça date d'au moins les années 10. Qui t'indique ça à l'oreille? Écoutez, on va faire un petit show ce soir. On n'a pas eu de questions, malheureusement. Tout le monde se débrouille avec avec leur Mac pour l'instant. Oh, mais le monde vient. Ben oui, le monde va avoir des problèmes. Non, j'ai pas eu de problème, vraiment. Moi, j'ai eu des problèmes. Non, j'ai pas eu de problème. Ah oui, je vais en parler. Ouais, j'ai pas parlé du dongle. La dernière fois. Ouais, j'ai pas parlé du dongle, le petit logiciel. T'as réussi à trouver un logiciel qui fonctionne super bien. Pour ton Bluetooth, puis end-off, c'est ça? Ouais, pour end-off. Fait que c'est un petit dongle USB 4 que Jean-Michel m'a commandé, je sais plus combien de temps, sur Amazon. Coûte 7-8$, je pense que j'ai payé. Je sais pas si c'est long encore, je vais aller voir. Oh, sûrement. Puis vous branchez ça dans votre Mac pour les anciennes versions de MacBook Pro comme la mienne, en bas de 2011. Vous êtes fourré comme moi, fait que vous pouvez pas. Mm-hmm. Fait que vous branchez ça dans votre ordinateur et vous installez, ça s'appelle Continuity Activation Tool Master. Ce que ça va faire, ça va... OK, si vous êtes pas trop... tu sais, je veux dire, ça va modifier vos fichiers Bluetooth dans votre ordinateur, les liens. Pour penser que la clé fonctionne comme celle-là. Le seul problème, c'est qu'à chaque mise à jour que Apple vont faire... T'es obligé de faire la mise à jour. T'es obligé de le refaire parce qu'ils me font maintenant des correctifs dans le Bluetooth. Mais ça fonctionne numéro un, là. Maintenant, j'ai accès à end-off sur mon iPhone. J'ai le personal hotspot qui se crée automatiquement dans mon Wi-Fi. C'est le fun, ça. Oui. C'est bien le fun, ça fonctionne très bien. Un petit truc niaiseux, vos téléphones, vous savez comment changer les noms sur le téléphone? Ben, tu vas dans Général puis About, je sais pas trop. Là. À propos, ouais, ou Information. Ouais, ouais, même, ouais. Donc, le nom de ton téléphone est là. Tu peux, tu sais, tout le monde marque un nom, mm-hmm. Ben, tu peux le remplacer par des emojis. Ah! Fait que quand t'arrives sur ton ordinateur pis tu lui demandes de te connecter, c'est des emojis qui apparaissent. Fait que moi, j'ai fait le petit logo du iPhone pis le petit logo du... regarde. Le petit logo du Wi-Fi, le petit logo du iPhone, c'est le nom de mon téléphone. Ah! Oh. Ah, oh, ben, OK. On va faire ça. C'est aussi. Cute, hein? C'est tu peux mettre cute. Plein de cœurs pis tout le kit pour la Saint-Valentin qui s'en vient. Oh, Katen. Mais non, mais would you like to marry me? Des petits cœurs, puis tu le quittes. Puis là, tu dis à ta blonde, connecte-toi sur le réseau sans fil. Puis là, ils vont te passer dans une des nombreuses émissions là, qui payent pas cher pour passer des vidéos d'Internet à la télévision. Je paye pas du tout. Si qu'est-ce que c'est? Attends. Ben, il y a chose avec... Cette semaine, ben, le premier qui l'a fait, c'est Vlog, tu sais. Ouais. Puis, c'est drôle, parce que cette semaine, ma blonde a parlé à une de ses amies, puis elle dit, ouais, mon chum, faut qu'il soit connecté à Internet, parce que faut qu'il aide Dominique Arpin, là. Il y avait l'ordinateur de sa blonde qui allait pas bien. Puis, la fille, elle a été comme pendant très, très longtemps au Panama, donc elle est complètement déconnectée de qu'est-ce qui se passe ici, c'est qui les vedettes puis tout ça. Mm-hmm. Fait qu'elle dit c'est qui Dominique Arpin? Elle dit ben oui, il fait l'émission Vlog là où est-ce qu'il présente des vidéoclips d'Internet. Je dis pas ça, ils font tout ça à Star. Il y en a partout ces crises d'émission là. Il y en a une à VTL animée par Billy Tellier, puis Jay Saint-Louis fait la même chose à Musique Plus. Ah, puis il y en a une à Z. Le G News. Ouais, c'est quoi à Z? Oui, je l'ai parlé. En tout cas. C'est un gars et deux filles. C'est P.A. Méthode avec je sais plus trop qui, puis une autre fille. C'est je sais plus trop quoi. Bon. Je m'excuse, mais... Les dates à retenir. le Club Mac de la Nodière, je suis désolé, je suis pas allé. C'était mercredi passé, le 28 janvier. Ah, on a même pas été... C'est-tu vendredi cette semaine? C'est au Club Mac de Montréal, le 6 février. Ah, même si j'aurais voulu y aller, j'étais pas là. On pourrait y aller cette semaine, ça vous tente-tu? Vendredi. Travailles-tu vendredi? On fait une sortie de geek. Non, on va y aller, ouais. Excellent. Pourquoi je parle dans ton ordi? Non, mais parce que c'est moi qui... Donc, on va être au Club Mac de Montréal pour signer les autographes et puis... Prendre des photos avec vous, mais faut pas nous toucher. C'est 400$, puis vous vous tenez loin. Parce que nous autres, on fait plus d'apparition publique là, sans être payé. On s'excuse. Fais plus ça, c'est... Pourquoi? Parce que... Moi, je me tiens pas que ce monde-là, fait que... Mais non plus. Bon. Oh boy. Fait que Jean-Marie, vendredi soir, on arrive là, puis on s'assoit dans la foule. On va aller voir M. Jolois, effectivement. Ouais. Et on va vous regarder. On va serrer des mains en rentrant, puis on va faire comme... si on connaissait rien, on posait comme des questions. Comme un candidat aux élections municipales à l'entrée d'un bureau de scrutin. Ah non, on va faire comme Pierre-Carl Pilado, on va arriver avec notre TV branchée sur Skype. On va l'installer pour s'en aller FaceTimer à l'extérieur. On va aller manger au Tim Hortons. C'était-tu assez ignoble pour pas manger des tomates d'en face? Ça se peut pas. Ben, je suis là, tu vois? Hey, mon marron. By the way, le hack de la semaine, même si vous voulez pas, abonnez-vous au PQ, vous allez pouvoir voter par Internet contre le candidat que vous ne voulez pas. Puis après ça, même si lui, il passe, vous y envoyez votre carte déchirée dans une petite boîte. Moi, j'ai hâte de voir s'il va se planter pendant Non, non, d'après moi, il va passer. Il va juste rien dire. Ah, ouais, il y a ça, par exemple. Ouais, c'est ça faudrait qu'il fasse. Oui, va-t-il avoir un débat? Oui, il va en avoir 5. Oh boy, OK. Ouais, ouais. Bref. Un à V, un à Radio-Canada, un à TVA. Je sais pas. Un à Global, un à CTV. Un à ma télé. Ouais, un à ma TV. Ouais, exactement. Pendant Open Télé. Non, sûrement. Un pour le Journal de Montréal, un pour le Journal de Québec. Un pour les hebdos régionaux. Puis un pour le Véro Maga. Ça appartient à Québécois maintenant. Encore une fois, le podcast La Pomme tient à remercier ses commanditaires iRepair Montréal et Sauveur de vie professionnelle. On le répète, mais on nous le demande tout le temps sur les médias sociaux. Ouais. Il y a plein de monde qui nous écrivent, hey, où est-ce que je vais pour réparer mes trucs. C'est chez eux. De iWeb, le pommier derrière la pomme. Le podcast La Pomme est diffusé depuis le iMusée, le musée de l'informatique du Québec, notre quartier général. Et je pense que bientôt, on déménage. Okay. Là, on est dans la chambre jeux rétro présentement, comme le dernier podcast, qui est très, très belle. Oui. On a oublié la PS2. Ben oui. Je pense que je l'ai même dans le PS2. Mais je vais voir. Bon, mais si quelqu'un a une PS2 à donner qu'il n'utilise plus, on serait preneur parce qu'on la mettrait dans la salle rétro. Parce qu'on on a toutes le kit pour faire Rock Band. Mais j'ai encore le CD de Rock Band, par exemple, j'ai trouvé cette semaine. Ah, OK. Bon, ben non, il manque juste la console, s'il vous plaît. Jean-Michel, le prochain rendez-vous aura lieu le 14 plus 3, le 17. Le 17 février. Le 17 février? Oui. Ça existe, ça? Il n'y a pas juste seulement 16 jours au mois de février? Oh boy. Le prochain rendez-vous aura lieu le 17 février, exactement. Excellent. Mon Dieu, t'as été sur Google pour voir ça? T'as rien oublié? Non, tu vas chez... plus simple faire ça. Tu peux demander, en fait, dans combien de temps? 2 semaines. Quelle date serons-nous dans 2 semaines? Oui, je pense que oui. Faites donc le test pour voir. Tant qu'à faire. Quelle date serons-nous dans 2 semaines? Dans combien de temps aura lieu le prochain rendez-vous du podcast La Pomme? Ce sera mardi 17 février 2015. Ce sera mardi 17 février 2015. Mon Siri est en anglais, donc on n'a rien compris. C'était juste pour faire à croire que... Moi, ça a donné la bonne réponse. Ouais? OK, ouais, c'est bon. Quelle date serons-nous dans 2 semaines? Bon, ben, on est moins niaiseux ce qu'on pense. Ouais. On peut demander de plus en plus de choses. Ouais, mais tu t'en sers-tu vraiment? Oui. Ouais, moi? Oui, oui. Pour flasher, comme la montre. Okay. où peut-on nous retrouver? Peut-on vous retrouver, messieurs? On te retrouve où, toi? Présentement, on est au e-musée, le musée de l'informatique du Québec. Oui, qui va donner un Fab Lab bientôt. Oui, bientôt. Mais quand on n'est pas ici, moi, je joue à Temp and Run. Moi, je sais pas. Oui, je suis rendu dans Resident Evil HD Remastered sur PS4 parce que j'ai reçu ma PS4 la semaine passée. Moi, je suis en train de me faire owner par Beyond Earth. Beyond Earth. Civilisation. Ouais. C'est pas mal bon. Okay. J'aime beaucoup ça, mais c'est tough, en fait. Je fais juste suivre ce que mes conseillers me disent, puis je me fais torcher à chaque fois. C'est quand même un bon service, par exemple. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Au moins, ton 150$ est bien investi. Oui, oui. C'est juste que c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça a pris. C'est ça. C'est ça. Mais au moins, elle fonctionne. C'était le motherboard qui était brisé. Mm. Fait que. Un 150$ bien investi. Ben, voilà. Ouais, bien investi, mais c'est quand même, ça te coûte 500$. C'est un motherboard qui te chie en face après un an. C'est un piqueur, admettons. L'obsolescence programmée. On peut me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily. Bon. Puis toi, Jeff, De quoi tu vas tweeter, là, vu que Target ferme, puis quoi tu vas parler? Non, je sais pas. Peut-être que je vais me trouver un autre magasin. Peut-être que je vais devenir fan du Tigre Géant, qui sait. Ah, ça serait malade. Il n'y a même pas ça à Montréal. Hein? Il n'y a même pas ça à Montréal. Il y en a un à Boucherville, exactement. À Montréal. Mais ça arrive sud. C'est le représentant. Moi, je viens de la rive sud. Fait que je me tiens dans les places de la rive sud. Oh mon Dieu. Peut-être que c'est ça qui va ouvrir à Place Longueuil, là. Il va chez Megavox. Moi, j'ai vraiment. Mastervox. Mastervox. Ouais. Ben moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Et sur le PSN Louis XIVe. Ah, Louis XIVe. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur YouTube en train de regarder les previews de Turbo Kid, que j'ai vraiment hâte que ça arrive sur nos écrans de cinéma. Oui, on voit ça dans le Watch History du Comte la Pomme. C'est vrai, j'ai regardé ça. Okay. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier ou sur Facebook. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le compte La Pomme, quoi qu'on parle pas beaucoup là-dessus. Non, mais... De temps en temps. Là, on écrit, parce que c'est textuel. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, il y a aussi le compte YouTube, La Pomme, LAPOM.M. Merci de nous avoir suivis. Fait que on va... Vendredi, on va être... Vendredi, on va être au Club Max de Montréal. À l'Université de... C'est à l'Université du Québec, à Ottawa, Cincinnati. C'est l'Université de Sherbrooke, à Longueuil. Oui, c'est ça. Ah, c'est proche de chez nous. Ça arrive ça, chez vous. On arrive à 4 heures, on va manger des ribs chez vous, puis après ça, on y va. Non, moi, je suis né à 4, comme toi. Non, mais je connais un bon McDo à Longueuil, on ira manger au Terminus? Il y a un IW au Terminus, maintenant, puis il y a un Thai Express dans l'université. Malade. On n'ira pas là. Non? OK. Non. Mais moi, je suis né à 4, fait que vous allez vous calmer. C'est à quelle heure, là? On va aller super à Brassard. On va aller super à Brassard. On vous invite donc à venir nous rejoindre. On va aller foutre le trouble. On va aller souper chez Juliette et Chocolat au 10-30. Ouh. La blonde va être contente avant m'amener. Elle donc, La Pomme, le podcast, est un podcast bi-hebdomadaire produit par le site web La Pomme. Les droits de distribution exclusifs du présent podcast sont détenus par La Pomme. Toute distribution ou copie du présent contenu dans le but de redistribuer avec ou sans profit est interdite. Pour nous faire part de vos commentaires ou questions concernant la présente politique, veuillez communiquer avec info@lapomme.me ou utiliser le formulaire de contact disponible sur la page d'accueil du site La Pomme. J'ai fait une version enregistrée, hein, tu sais, avec les mots là, que je dis comme faux, sans bafouiller. C'est pis... vrai? Ouais. J'ai pas bafouillé, mange la chance. Il est où? Tu l'as mis dans le Dropbox? Ouais. J'imagine, il l'avait sur son iPhone à un moment donné. Ben non. Ah oui, ferme ça. Peux-tu redire ton au revoir? Pour... Au revoir tout le monde. Au revoir t'as tout le monde. Peux-tu faire jouer la petite musique aussi? Fais jouer ouais, fais ça comme faux. Là. Ouais, ouais. Ça a bien été. Ah, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.